La mise en onde est assurée par Ginny Ange Ndayi Teho. Vous écoutez la radio Isanganiro émettant depuis Bujumbura au 87.7 MHz si vous êtes à Bujumbura, la capitale. Mais aussi sur le site web www.isanganiro.org si vous nous écoutez depuis l'extérieur du pays. Bienvenue à ce journal en français dont voici tout d'abord les grands titres. Des Burundais dépassant le nombre de décès 50 ont été chassés du Rwanda depuis la fin de la semaine dernière. À l'origine, les Burundais ont refusé de s'installer dans les camps de réfugiés se trouvant au Rwanda. Vous aurez les détails avec l'administrateur communal de la commune Nega. Les habitants de la zone Kizuka, nous sommes en province de Lumonge, regrettent qu'un manque d'eau potable, qu'il y a un manque d'eau potable. Ils demandent que ce problème soit réglé. Vous aurez droit à un reportage qui vous parlera des épis de riz qui ont avorté dans les marais de la rivière Sanzu et du ruisseau Nyabinaga. Nous sommes en province de Luigi. Ce sera avec Jean-Claude Chimilmana. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, ouvrons ce journal par la page sécurité. Un homme du nom de Nirandekura Philbert a été tué cette nuit à coups de gourdin chez lui à la colline Kabgira de la zone Masabo, commune Bugenyuzi, province Karusi. Les sources de la police à Karusi indiquent que cet homme de 44 ans serait victime d'accusations de sorcellerie et signale que deux personnes de l'Usamaza de la commune Gihogadi sont déjà arrêtées en commune sont déjà arrêtés, présumés suspects de cet assassinat. Il y a un seul mois, un autre homme avait été aussi tué dans ces mêmes circonstances à la colline Gwandagaro, de cette même commune de Bugenyuzi, et d'autres avaient pris fuite. Je vous le disais en titre, plus de 250 Burundais ont été expulsés par le Rwanda depuis samedi de la semaine passée. Comme l'indique Philippe Ngabonziza, administrateur de la commune Nega en province Kirundo, ces Burundais sont accusés d'avoir refusé d'être installés dans les camps de réfugiés de Mahama, mais aussi pour soupçon d'hébergement des malfaiteurs. Cette autorité administrative précise qu'une fois accueillis, ceux qui sont originaires de différentes communes de la province Kirundo retournent dans leur famille et ceux des autres provinces sont acheminés au chef-lieu de la province Kirundo pour attendre les autorités de leur province respective. On l'écoute, il est traduit en français par Moïse Misako. Les premiers sont arrivés ce samedi. Ils étaient au nombre de 123 et parmi eux, 95 sont originaires de la commune Nega et 28 proviennent des autres provinces. Ce dimanche, nous avons également accueilli 80 personnes, dont 16 de la commune Bugabira, 2 de la province Tianguzo et 6 autres des communes de la province Kirundo. Ce lundi, 76 autres ont été expulsés et d'autres continuent à venir. Un Burundais qui est marié à une Rwandaise est expulsé seul et sa femme et les enfants sont gardés au Rwanda, alors qu'une Burundaise qui est mariée à un Rwandais est expulsée seule. Mais si l'homme et sa femme sont tous des Burundais, ils sont tous expulsés. Tous leurs biens sont gardés là-bas, que ce soit les récoltes ou d'autres biens en leur possession, parce qu'ils vivaient là depuis plusieurs années. Je ne sais pas comment ils vont vivre, mais je pense qu'ils n'auront pas beaucoup de problèmes ici dans notre pays. Quant aux accusations portées contre eux, ils disent qu'on les accuse de refuser d'être installés dans le camp des réfugiés de Mahama. C'est que ces Burundais n'acceptaient pas parce qu'ils étaient allés chercher de l'emploi, mais ils n'étaient pas partis au Rwanda en tant que réfugiés. Celui qui refuse donc est vite expulsé. Certains que j'ai interrogés ce samedi m'ont répondu qu'il y a eu une attaque vers le nord du Rwanda où une des autorités rwandaises aurait été enlevée. On accuse donc les Burundais vivant au Rwanda de cacher les malfaiteurs, qui est une raison de leur expulsion. J'ai essayé de contacter les autorités rwandaises, mais en vain. Une fois arrivés au Burundi, ceux qui sont originaires de la commune Nega retournent directement dans leurs familles respectives et les autres sont acheminés au chef-lieu de la province Kirundo, où ils attendent que les autorités de leur province d'origine viennent les récupérer. Philippe Ngabonziza est administrateur communal de Nega. Il était traduit en français par Moïse Misago. On va marquer une pause et on revient pour parler de la société. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Certains habitants de la colline Kizuka, commune et province Rumonge, déplorent et manquent d'eau potable. Ils indiquent que leur déduction a été déviée vers un hôtel de la localité de Kagongo. Le gouverneur de cette province les tranquillise que ce problème va être réglé d'ici peu de jours. Reportage signé Vestine Boutoui. Étant sur la route Bujumbura-Rumonge, à côté du centre de santé Kizuka, il y a une grande circulation des gens se déplaçant à vélo portant plus de 2 bidons. Ceux-ci disent qu'ils y vont ou qu'ils y viennent de la recherche d'eau potable. Un de ces gens affirme qu'ils effectuent un long trajet lorsqu'ils sont à la recherche de cette eau. Même si au centre de santé, il n'y a pas d'eau potable, indique un des gardes malades. Issa Nizigimana, le chef de la colline Kizuka, confirme les plaintes de ses habitants. Au contraire, un des travailleurs de l'hôtel Sagaresha dit que la question réside dans l'administration. Les mêmes habitants demandent leur réalimentation en eau potable. Juvenal Bigirimana, gouverneur de la province Rumonge, tranquillise cette population que d'ici peu de jours, le problème sera résolu. L'eau va être disponible. Je peux même dire et affirmer cette année, que cette année 2018 et à la fin de cette année ou bien au début de l'année 2019, que l'eau sera déjà disponible dans la zone de Kizuka et aussi dans la zone de Minago, parce que les deux zones n'ont pas d'eau en suffisance. Et je dis cela pourquoi? Parce que nous avons des partenaires. Les partenaires, c'est l'église Pentecôte de Mugara. Ces habitants affirment qu'ils viennent de passer plus de 10 ans sans avoir de l'eau potable. Page sportive, on va parler de football à 13h05. La formation Fofila de Ngozi a remporté ce dimanche le premier trophée du championnat de football féminin. C'est après avoir battu 5-0 la formation 11 étoiles. Les équipes Christ et Roi et 11 étoiles sont reléguées en division inférieure dans le championnat de la saison 2018-2019. Des détails avec Jean-Marie Vianney Ngendakouman. C'est la formation féminine Fofila PF de la province de Ngozi qui a été sacrée championne ce dimanche 24 juin 2018 dans les compétitions nationales de football féminin édition 2018. C'est après avoir éliminé la formation 11 étoiles de la zone urbaine de Kinama sur le score de 5-0. Les autres matchs qui ont été joués sont les suivants. L'équipe Lion Star de la province Ngozi a été battue 1-0 par Lainbourg de la province de Gitega. La formation La Colombe FC de la Mairie de Bujumbura a bâti 4-0 l'équipe Crisiroa de la province de Gitega. PVP Buyenzi de la commune Ilibene de Mukaza a corrigé la formation Ubuntu FC sur le score fleuve de 7-0. L'équipe championne de Fofira PF a terminé le championnat avec 40 points. La deuxième place est occupée par PVP Buyenzi avec 37 points. La troisième place revient à la formation La Colombe FC avec 28 points. Lainbo est quatrième avec 19 points. Lion Star occupe la 5e place avec 15 points. Ubuntu FC se trouve en 6e place avec 13 points. La 7e place revient à la formation Crisiroa avec 9 points. La formation 11 étoiles a clôturé le championnat en occupant la dernière place avec 1 point seulement. L'équipe Crisiroa de la province de Gitega ainsi que la formation 11 étoiles de la commune Ilibene de Ntahangwa sont relégués en 2e division dans le championnat de la saison prochaine 2018-2019. Merci Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Les épis de riz ont avorté dans les marais de la rivière Sanzo et du ruisseau Nyabinaga en commune et province Luigi. Les agriculteurs disent que ce phénomène a été causé par la surabondance d'eau dans les champs en phase de maturation du riz. À cet effet, ils demandent qu'il y ait aménagement des marais rizicoles. À la Direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Luigi, on indique avoir été au courant de ce phénomène tardivement, au point qu'aucune action de protection n'était plus possible. Vous aurez droit à ce reportage dans nos éditions ultérieures. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Ginny Ndaitero qui était à la cabine technique. Mais juste avant de vous quitter, je vais vous rappeler que des Burundais ressortissants Des ressortissants burundais dépassant le nombre de 250 ont été chassés du Rwanda depuis la fin de la semaine dernière. À l'origine, les Burundais ont refusé de s'installer dans les camps de réfugiés. Vous avez eu des détails avec l'administrateur communal de Nega. Et les habitants de la zone Kizuka, nous sommes en province Lumonge, regrettent qu'il y a un manque d'eau potable. Ils demandent que ce problème soit réglé. Vous l'avez suivi. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à tous. Au revoir.